comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 22e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors que pour une deuxième semaine consécutive, nous aurons pour vous, dans la deuxième partie de l'émission, un invité qui viendra nous parler de ses recherches sur la Chine. Nous allons aussi poursuivre aujourd'hui le chapitre 8 de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Mais avant de plonger dans la suite de ce récit, glissons d'abord quelques mots sur l'actualité. Alors qu'une nouvelle très importante circule depuis plusieurs jours dans différents médias, suscitant de nombreuses tentatives d'interprétation à gauche et à droite. On apprenait il y a quelques jours que le général Chang Yoxia, qui était jusqu'à tout récemment le numéro 2 de la Commission militaire centrale, vient tout juste d'être démis de ses fonctions, faisant face à une enquête pour violation de discipline. Chang était l'un des militaires parmi les plus hauts gradés de l'Armée populaire de libération et l'un des généraux parmi les plus expérimentés au sein de l'armée chinoise. Et celui-ci se trouvait au sein d'un groupe sélect à la tête de la Commission militaire centrale depuis 2022. Or, avec les récentes purges qui viennent de se dérouler, on constate que tous les membres de cette commission militaire centrale ont été démis de leurs fonctions, sauf deux. Alors, il ne reste plus que Xi Jinping qui dirige la commission, ainsi qu'un autre général chargé des enquêtes. Plusieurs informations contradictoires ont commencé à circuler sur le web et dans certains journaux, incluant le Wall Street Journal, Libération, le Courrier international, pour tenter d'expliquer les raisons de cette plus récente purge au sommet de l'appareil militaire chinois. On parle de corruption, de divulgation de secrets militaires, de risque d'une guerre civile même, et on évoque même une soi-disant lettre secrète qui aurait été rédigé, dit-on, par le général avant son arrestation. Mais les explications données sur chacun de ces thèmes manquent bien souvent d'assises et rendent très difficiles les interprétations plausibles. Ce qu'on sait par contre, avec certitude, c'est que depuis son avènement au pouvoir en 2012, Xi Jinping a régulièrement mené des campagnes d'épuration qui ont en quelque sorte conditionné de manière récurrente la vie politique de la République populaire de Chine. Prenant régulièrement le motif de la lutte contre la corruption, ces campagnes d'épuration ont bien souvent visé des adversaires politiques de Xi Jinping à l'intérieur des hautes sphères du Parti communiste, à commencer par la campagne contre Bo Xilai en 2012, puis celle contre Zhou Yongkang en 2014. Plus récemment, tous les membres de la Commission militaire centrale qui avaient été nommés en 2022 ont tous été purgés, sauf un. Et comme ils étaient tous des proches du président Xi, cela soulève de nombreuses questions irrésolues, notamment sur les relations entre le parti et son leader, derrière les portes closes. Au final, même si on ignore l'essentiel des raisons pour lesquelles le général Chang Yoxia vient d'être purgé de son poste, on comprend de ceci que la chaîne de commandement militaire vient d'être à nouveau solidement fragilisée. Partant de ce constat, et surtout quand on sait l'importance des chaînes de commandement lorsque vient le temps de conduire une opération militaire tactique sur le terrain, on est en droit de se questionner sur la volonté réelle de partir en guerre prochainement, par exemple pour conquérir l'île de Taïwan. C'est effectivement une chose pour une armée de marcher au pas et de se donner en spectacle en faisant de belles parades bien synchronisées, comme dans le cadre d'un défilé militaire, par exemple, pour impressionner les médias en Chine et à l'international. Mais c'est une toute autre chose que de soutenir un effort de guerre continu, dans un engagement militaire sur le terrain, dans le feu de l'action, alors que les généraux de l'armée chinoise semblent se demander constamment qui sera le prochain à perdre son poste, qui sera le prochain à être accusé de manquement grave à la discipline du parti. Certains disent que nous assistons en ce moment au plus important développement politique à parvenir en Chine depuis l'avènement de Xi Jinping, alors que d'autres n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de la plus importante chute d'un si haut gradé militaire en Chine depuis la chute de Lin Biao en 1971. Quoi qu'il en soit, considérant la chape de plomb qui couvre les informations qui sortent de la Chine sur des questions politiques aussi sensibles que celles-ci, bien malin celui qui voudrait faire croire au monde qu'il sait exactement ce qui est en train de se passer dans les coulisses de l'Empire du Milieu. Et comme nous n'avons pas le recul historique pour juger de toute l'ampleur des événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux, nous allons tout de suite nous tourner vers une première pièce musicale. L'actualité nous parle d'une importante crise au sein du Parti communiste chinois, et notre première chanson du jour nous plongera d'ailleurs au cœur de la révolution communiste. En fait, toutes les chansons que nous entendrons aujourd'hui nous ont été suggérées par l'invité de la journée, Marc Saint-Pierre, qui viendra nous parler dans la deuxième partie de l'émission de son livre qui porte sur l'histoire de Normand Béthune, un docteur canadien qui a embrassé pleinement la cause de la révolution communiste dans la Chine de la fin des années 1930. La première chanson que nous entendrons est un hommage à Normand Béthune, composée par la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. Voici donc la chanson Normand Béthune. Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier, bâtissons le monde communiste. Le 12 novembre 1939, dans les montagnes du nord de la Chine, le docteur Béthune est mort à son poste. Son exemple éclaire notre chemin. Normand Béthune, médecin du peuple, cherchait la cause de la maladie. Il l'a trouvé, c'est le capitalisme. Béthune est devenu communiste. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons un monde communiste. Canadien de citoyenneté, chirurgien de par son métier, son esprit est celui du monde entier, sac au sel de tous les exploités. Il a décidé de se joindre à la lutte, médecin pour la révolution. Il a choisi de porter sa science au service des peuples d'ailleurs. Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier, bâtissons le monde communiste. Appuyons le peuple espagnol qui s'est levé contre la terreur fasciste. Comme tant d'autres soldats, Béthune est parti pour défendre l'avenir socialiste. Rejoignant le peuple chinois à la veille de la révolution, il a sauvé son sang si précieux en menant la médecine au fond. Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution. Service des peuples du monde entier, bâtissons le monde communiste. Dans une ville du nord de la Chine, un hôpital porte son nom. Six super travailleurs canadiens, que le peuple chinois fait sien. La vie de Béthune ressemble à la vie de tous ceux qui se sont sacrifiés pour rater la révolution. Sa mémoire éclaire notre chemin. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution au service de tout le monde entier. Bâtissons le monde communiste. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution au service de tout le monde entier. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Et nous replongeons tout de suite dans le chapitre 8, alors que nous étions la semaine dernière en train de parler des difficultés rencontrées par les missionnaires européens dans le cadre de ce que nous appelons la querelle des rites chinois. Nous avons évoqué plusieurs difficultés reliées à la langue, la culture et les croyances. Mais, comme nous l'avons mentionné, les plus grands obstacles rencontrés par les missionnaires qui étaient en Chine sont des obstacles qui sont venus d'Europe. En fait, dès la mort de Matteo Ricci en 1610, on assiste à un débat au sein même des jésuites, à savoir jusqu'où fallait-il aller dans la stratégie d'inculturation mise en application par Ricci, et jusqu'où fallait-il accepter certaines pratiques chinoises. Mais en fait, ce sont les autres ordres religieux, dont les franciscains et les dominicains, qui se sont montrés les plus critiques, tenant des propos acerbes et très sévères à l'endroit du travail d'évangélisation des jésuites. Parmi les raisons principales pour expliquer ces critiques, alors que les jésuites avaient une stratégie d'évangélisation par le haut, les franciscains et les dominicains suivaient au contraire une stratégie d'évangélisation par le bas, cherchant à convertir directement les populations rencontrées, ce qui leur occasionnait davantage de problèmes sur le terrain. Par exemple, le dominicain Domingo Navarrete est arrivé en Chine en 1658. Il fut emprisonné en 1665, à l'époque où les persécutions avaient cours contre l'Église suite à la condamnation de Adam Schall notamment. Revenu en Europe en 1672, le dominicain dénonce les jésuites avec virulence, les accusant d'être trop élitistes, de se complaire dans le luxe et d'être trop conciliants à l'égard du paganisme et de l'idolâtrie des Chinois. C'est ainsi que prit naissance ce qu'il convient de nommer la querelle des rites chinois. Cette querelle avait donc pour contexte de départ des visées et des méthodes d'évangélisation différentes par les communautés religieuses européennes présentes en Chine. Mais au final, la querelle des rites devient un débat théologique au sein du catholicisme reposant sur trois éléments spécifiques. Premièrement, on débattait à savoir quel est le nom par lequel on pouvait désigner Dieu en chinois. Certains croyaient qu'il fallait utiliser le concept Shangdi, qui signifie le Seigneur d'en haut. D'autres disaient qu'il fallait plutôt utiliser le concept Tianzhu, qui signifie le maître du ciel. Dans les deux cas, les concepts référaient à des traditions et à des croyances en Chine, et les interprétations pour l'un et l'autre concept rivalisaient dans les discussions. Dans un deuxième temps, la querelle portait aussi sur la question de savoir si les convertis chinois pouvaient continuer à effectuer les sacrifices qu'ils faisaient aux ancêtres ou si ces sacrifices étaient considérés comme de l'idolâtrie. Finalement, la même question se posait aussi pour le sacrifice à Confucius, afin de déterminer s'il s'agissait de paganisme ou non. Pour Matteo Ricci et les Jésuites qui défendirent sa position, les sacrifices aux ancêtres et à Confucius n'étaient pas jugés comme de l'idolâtrie, puisqu'ils ne s'adressaient pas à une divinité. Considérant l'importance de la fonction sociale de ce que nous avons vu au cours des premières semaines comme l'esprit rituel, les rituels chinois étaient interprétés par les jésuites à partir de leur fonction sociétale, reflétant l'expression d'une gratitude témoignée à l'égard des ancêtres. Quoi qu'il en soit, la position des jésuites sur le sujet, quoi qu'il en soit de cette position, les rites chinois furent condamnés officiellement par le pape en 1704, s'appuyant sur la condamnation faite par Charles Maigreau en 1693, alors qu'il occupait la fonction de vicaire apostolique de la Chine. Les conséquences de la condamnation des rites chinois par l'Église catholique furent monumentales pour la suite des choses. D'abord, comme premier effet de la querelle des rites, on doit dire que depuis les premières attaques contre les jésuites, on vit une multiplication des écrits sur la Chine circuler en Europe, d'abord par les jésuites, ce qu'on connaît comme les lettres édifiantes, dont nous avons cité quelques-unes la semaine dernière, mais aussi des écrits qui étaient rédigés par les adversaires des jésuites, qui n'hésitaient pas à faire circuler leurs points de vue et leurs critiques au sujet des jésuites et de la Chine. Dans ce contexte, contexte de crise extrêmement importante, deux légats pontificaux furent envoyés en Chine pour tenter de dénouer l'impasse. Il s'agit de Monseigneur Tournon, qui arriva en Chine en 1705, puis Mezza Barba en 1720. Face à l'intransigeance des Européens sur la question des rites chinois, l'empereur Kangxi promulgua un édit de prohibition du christianisme en 1717. Un édit qui fut réitéré par son fils, l'empereur Yongcheng, en 1723, alors que cet édit fut accompagné cette fois de l'expulsion de tous les missionnaires du territoire chinois. L'édit de prohibition à l'égard du christianisme s'avérait un retournement majeur de la part de l'empereur Kangxi, si on compare avec l'édit de tolérance religieuse qu'il avait lui-même promulgué en 1692 en remerciement pour les services rendus par les jésuites. Une chose qui est certaine, ces édits de prohibition marquent la fin de la mission chrétienne en Chine. Et, comme nous le verrons au cours des prochaines semaines, il faudra attendre la période qui suivra les guerres de l'opium du 19e siècle pour que les missionnaires européens puissent à nouveau tenter d'évangéliser en Chine. En fait, suite à la promulgation des édits de prohibition, les seuls missionnaires qui furent exemptés de l'expulsion essentiellement furent les jésuites. Et ce sont ceux qui acceptèrent de signer un document. C'était la condition pour pouvoir rester en Chine. Ce document qu'on appelle le Piao, c'était en fait une confirmation dans laquelle les missionnaires reconnaissaient et acceptaient la position de tolérance exprimée par Matteo Ricci. Les jésuites qui sont restés en Chine au 18e siècle étaient tous au service de l'empereur. Ils étaient soit peintres, cartographes, mathématiciens, architectes pour certains ou traducteurs, mais le travail d'évangélisation leur était prohibé. Le deuxième effet direct de la querelle des rites chinois est donc la fin de la mission chrétienne de l'époque moderne en Chine, mission qui avait duré finalement de la fin du 16e siècle jusqu'au début du 18e siècle. Nous poursuivrons la semaine prochaine avec un effet qu'on pourrait dire corollaire de cette querelle théologique, qui est une conséquence à la fois de la multiplication des écrits sur la Chine, des écrits qui circulaient en Europe, mais aussi qui est une conséquence de la fin de la mission chrétienne. Comme nous le verrons, alors que le pays se fermait de plus en plus face à la présence des étrangers, l'engouement pour la Chine allait en augmentant dans les salons européens, ce qui entraîna un profond changement dans la manière dont les Européens se représentaient la Chine. Mais nous poursuivrons ce récit la semaine prochaine. Alors, pour le moment, nous retournons tout de suite en musique avec une deuxième chanson qui, elle aussi, vient rendre un hommage au travail monumental de Normand Béthune en Chine. C'est une chanson qui est interprétée en chinois, une chanson qui s'intitule « Songe Xiangai » by Chuen, ce qui signifie « Ode à Normand Béthune ». C'est une chanson qui a été composée afin de souligner le 80e anniversaire de sa mort en 2019. Voici donc la chanson « Ode à Normand Béthune ». Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause avec une entrevue qui a été réalisée le 30 janvier dernier avec Marc Saint-Pierre, qui viendra nous parler de son livre sur l'histoire de Normand Béthune. Oh,